C'est genre. on their door. Bien compté, mal calculé, ça va pas d'exemple sur ça. Pour yon fille qui voulait marier, sans richesse ou cocola. Bien compté, mal calculé, ça va pas d'exemple sur ça. Pour yon fille qui voulait marier, sans richesse ou cocola. L'homme pour bon, mais Dieu dispose, place à la vie à tout en rose. Posez sans boutique, mon monde, mariage va revenir tout le monde. Sans boutique, mon bon, mariage va revenir tout bon. Oui, chérie, n'a pas marié, on voit sans bon sa mariée. Richesse la va arriver, la va faire un bel mariage. Oui, chérie, n'a pas marié, faut une bonne santé pour sa mariée. La richesse la va arriver, la va faire un bel mariage. L'homme pour votre meilleur dispose, laisse à la vie à tout en rose. Posez sans vous dire mon monde, mariage va revenir tout le monde. L'homme pour votre meilleur dispose, laisse à la vie à tout. C'est sans boutique au monde. Mariage va revenir tout le monde. Mais papa, on est prêt, ben wapil. Mariage va revenir tout le monde. Maintenant qu'on mère a fait ripotage seulement. Mariage va revenir tout le monde. Parfois, mariage civil a terré la belle. Mariage va revenir tout le monde. Mouais belle, ben oui, mouais belle, mouais belle. Mariage va revenir tout le monde. La propose, ben Dieu dispose. Mariage va revenir tout le monde. Maintenant qu'on mère a fait ripotage. Je chita nan pot la tire yè lè ma pandre. Gran moun nan chita nan pot la tire yè lè ma pandre. Satan, me baka. Papa, oui, papi, bouge vraiment, douce maman.